Chapitre 24e. Monsieur Robinson travaille. Dans une pièce de l'hôtel Abbott, Millicent et Louis étaient assis côte à côte. Heureux de sentir qu'il la gardait, le jeune homme cherchait des paroles consolatrices. Il s'efforçait d'endormir sous les caresses une douleur qui ne livrait pas son secret. Abattu, brisé, avec une indicible désolation dans ses yeux qui interrogeait sans cesse la pendule, un air d'attente fébrile sur son visage qui tressaillait au moindre bruit dans le couloir, Millicent opposait un silence navré aux questions dont il la pressait. « Mais parle au moins. Où es-tu allé? Chez cet homme? Qu'as-tu fait ?»« Rien. J'étais folle. J'ai voulu te servir. Et je ne t'ai fait que du mal. Je suis une malheureuse. » Un garçon frappa. Elle courut à la porte. « On demande madame en bas, dans le petit salon. » Les tristes yeux se ranimèrent. Une flamme d'audace y reparut. « Venez, » dit-elle à Louis, et comme il hésitait, « Viens, » reprit-elle, avec un accent d'autorité tendre qui ne souffrait pas de refus. Robinson l'attendait. Il avait son expression habituelle de flegme et de force au repos. Il s'avança courtoisement vers Tournoel. « Madame Fianona vient de m'apprendre quel compliment il faut vous adresser, capitaine. J'ai voulu vous apporter les miens avant de partir. » « Je vous prie de le recevoir comme ils sont faits, en toute sympathie. » Louis s'inclina, glacial. Il interrogeait du regard Millicent. « En renouvelant mes souhaits respectueux à madame, » reprit Archibald, « je dois aussi lui renouveler mes excuses. Elle a été reçue à mon bord d'une façon peu convenable, par un matelot ivre, un misérable vaurien. Je l'ai chassé. Vous ne reverrez jamais cette brute, madame. » Et s'adressant de réchef à Tournoel, je n'ai que peu d'instants, capitaine, mais je voudrais profiter de l'occasion pour dissiper entre nous un malentendu fâcheux. Nous ne nous sommes pas vus depuis plusieurs mois. Nous n'avons pas pu reprendre nos conversations sur cette affaire du Wadai. Ce fut une affaire mal engagée, très mal engagée. Vous n'êtes pas entré complètement dans mes idées, je crois. Elles alarmaient votre fierté, votre patriotisme. Je ne fais pas difficulté de reconnaître que je négligeais trop certains aspects de la question qui prime pour vous tous les autres. Quand je me passionne pour une affaire, je ne tiens plus compte des justes objections, des susceptibilités. Vous savez, l'habitude. Et j'avais été mal averti par des gens qui ne méritaient pas ma confiance. N'en parlons plus, c'est de l'histoire ancienne, je m'en désintéresse. Je viens précisément de décommander les préparatifs d'une expédition à laquelle j'avais songé. Je voulais faire étudier les mines du Darunga, mais ce bassin fait partie des territoires où vous vous êtes assuré les droits du premier occupant, n'est-il pas vrai? D'autres entreprises sollicitent en ce moment mon activité. D'ailleurs, ajouta-t-il en souriant, je ne prétends pas lutter contre la puissance de l'État français. L'idée m'était venue de prendre les devants, alors que je le supposais inactif. Mais d'après les nouvelles que je reçois de Paris, votre gouvernement aurait décidé de vous renvoyer au Wadai et d'y poursuivre énergiquement cette œuvre colonisatrice où je voulais le suppléer. Robinson anticipait sur des résolutions qu'il se flattait, à tort ou à raison, de provoquer rapidement dans les milieux officiels. De notre discussion d'il y a 6 mois, veuillez ne retenir que ceci. Vous me trouverez toujours prêt à seconder votre action militaire et politique avec mes opérations commerciales. Vous serez seul juge de leur opportunité. Je les subordonnerai à vos plans. Je ne vous demande que le droit commun sur les riches territoires qui vont devenir par vos soins une colonie française. Je voudrais surtout, conclut Robinson en appuyant sur chaque mot, vous laisser aujourd'hui cette impression, l'homme qui vous parle, n'a plus d'autre pensée que celle d'être pour vous un loyal auxiliaire. Vos droits légitimes, ceux de votre pays, lui seront sacrés. Vous ne le rencontrerez jamais en travers de votre route, ni en Afrique, ni ailleurs. Tournoel commençait à comprendre. Le visage radieux de Millicent acheva d'éclairer pour lui les paroles d'Archibald. Il tendit chaleureusement la main à l'Américain. « J'en ai fait l'impression, cher monsieur, que j'entends un langage honnête, sincère, amical. J'y crois, et je vous en remercie. Il me reste, continua Robinson, à traiter une affaire particulière avec madame. Je voudrais lui soumettre et la prier d'agréer les propositions relatives à son domaine de l'Argentine. Ne parlons pas de cela, interrompit précipitamment Millicent. Louis, je vous jure que je n'ai pas dit un mot de cela. Une rougeur colora son visage, d'où l'expression joyeuse avait subitement disparu. Cher ami, dit tranquillement Tournoel, laissez parler M. Robinson. Il ne dira rien, j'en suis très sûr, que nous ne soyons satisfaits et fiers d'entendre vous et moi. Vous allez en juger, reprit le financier. Avec votre agrément, madame, je me mets sur les rangs pour l'achat de votre plantation. L'affaire est magnifique. Il faut vraiment qu'ils soient stupides, ces gens de là-bas, qui ne s'en sont point aperçus. J'ai fait examiner de très près la propriété, ses ressources, son avenir. On ne s'est pas avisé jusqu'ici d'un mode d'exploitation qui en décuplera la valeur. Avec une précision, une abondance de détails qui témoignaient de sa documentation minutieuse, il s'étendit sur les conditions actuelles du domaine, sur les cultures qu'il y fallait essayer, sur une industrie rémunératrice qu'on y pouvait créer avec certitude de succès. Le pli spécial avait reparu chez cet homme singulier, entraîné par son sujet, par l'intérêt d'une affaire qu'il avait étudiée de longue main, comme si toute sa fortune en dépendait. Il en expliquait les avantages à l'ignorante Millicent, une heure après leur entrevue tragique. Il lui en parlait comme il le fait à quelques propriétaires retors, difficiles à convaincre. Cette conférence agricole et financière, dans sa bouche à ce moment, entre ces deux personnes, eût paru d'un comique intense à un auditeur renseigné sur le drame sentimental où elle se fourvoyait. Rien n'était plus naturel, pourtant, que le retour complaisant de cet esprit à ses préoccupations professionnelles. Rien, sinon son besoin naïf de se prouver à lui-même qu'il faisait une excellente affaire en cédant à un mouvement du cœur. Ainsi, conclut-il, plus-value immédiate, gros bénéfice certain à un bref délai. Réfléchissez, chère madame, et voyez si vous préférez me vendre le domaine ou rester mon associé pour votre part. Dans ce dernier cas, je crois pouvoir vous garantir, après l'extinction des dettes, une situation indépendante et même aisée. Croyez-moi, c'est une bonne affaire, je l'ai bien étudiée. C'est mieux qu'une bonne affaire, fit en riant Millicent, c'est une bonne action. Et pour l'appeler de son vrai nom, un bienfait, nous l'acceptons, n'est-ce pas, Louis ? Nous l'acceptons d'un ami, dit simplement l'officier. Mon cher Robinson, vous nous emmenez hors de notre vieux monde, dans votre très jeune monde, hors de nos conventions sociales, dans l'état de nature. Il a du bon. Voici une de ces rares minutes où des hommes desserrent leur cuirasse de préjugés pour mettre leur cœur à nu, où ils renoncent aux petites façons que fait l'amour-propre pour entrer dans la simplicité, dans la dignité des vrais sentiments humains. Vous venez à nous d'un mouvement généreux. Quels que soient les mobiles qui vous guident, je sens qu'ils sont nobles, et que je vous dois désormais toute ma confiance, toute mon affection. J'aurais honte d'une étroitesse d'esprit qui me ferait hésiter à devenir votre obligé, alors qu'il n'en coûte rien à ma conscience. Vous m'avez vu susceptible, chatouilleux à l'excès. Si je continue à l'être aujourd'hui, je n'aurais pas le beau rôle. Je vous avais mal jugé, pardonnez-moi. On est ombrageux dans mon pays. C'est qu'il a été très malheureux. Et si je suis pour ma part très prompt à m'effaroucher, c'est qu'après un premier rapide sourire, la fortune ne m'a pas gâté. D'elle et des hommes, je n'attendais plus que mes comptes. Faut-il ajouter, je m'en accuse et m'en excuse, que je me sentais naturellement prévenu contre les trop grandes puissances financières. « Oui, dit Robinson, vous estimez que l'argent est toujours malfaisant. C'est une arme, capitaine, comme votre épée. L'une et l'autre blessent, fauchent des victimes dans les grandes batailles qui font avancer l'humanité. Les imbéciles, les poltrons s'en effarent. Et aussi ces ennemis du véritable progrès humain qui se disent des humanitaires. Vous pensez comme moi sur leur compte, j'imagine. Vous et moi, nous représentons deux forces. La vôtre est l'aînée, très noble, je la respecte. La mienne n'est pas nécessairement ignoble, comme le disent ses envieux. L'argent peut être brave, intelligent, généreux. Vous venez d'en faire la preuve, mon cher Robinson. Je vous le disais bien que nous finirions par nous comprendre. Puisque vous n'avez plus peur de mon pauvre argent, oui, très pauvre, très lourd, très impuissant quelquefois, fit-il avec un sourire d'une singulière amertume, une prière, capitaine. Les amis de madame seraient désolés, je ne le serais pas moins, si elle nous privait du plaisir de la ramener en France. Elle ne trouvera pas d'ivrogne à mon bord, mais elle hésiterait sans doute à vous quitter. Voulez-vous me faire l'honneur de voyager sur mon yacht jusqu'à Marseille ? Votre acceptation déciderait sûrement celle de madame. C'est moi qui accepte la première, dit Millicent, pour nous deux. D'autant plus que j'ai hâte de déclarer à nos amis les engagements que nous venons de prendre, monsieur de Tournoel et moi. Je souscris de grand cœur, s'écria Louis. Quel joyeux voyage nous allons faire! Oui, un joyeux voyage, répéta Robinson. Et les plis légers que la vie avait laissés au coin de ses lèvres se creusèrent plus profonds, comme si l'on eût y appuyé une pointe de fer. Le canot qui ramenait Robinson, Tournoel et Millicent accosta l'échelle du Neptune. On croira sans peine que des propos animés s'échangeaient entre les personnes accoudées sur la liste du yacht. Pour la plupart de ces personnes, les péripéties du drame intime dont elles voyaient approcher le dénouement n'étaient plus un mystère. Les mieux instruites renseignaient obligeamment celles qui les témoignaient. Les imaginations suppléaient aux détails qu'ils avaient le chagrin d'ignorer. Légère comme une mouette qu'un vent heureux eût apportée sur le navire, Millicent sauta la première sur le pont, alla se jeter au cou de Peg. « Félicitez-moi, chère bonne, qui m'avait protégée au jour mauvais, et félicitez, s'il y a de quoi, mon futur protecteur, mon mari. » Les Américaines qui étaient venues voir un yacht et qui bénéficiaient par surcroît d'un chapitre de roman entourèrent, complimentèrent Tournoel et Madame Fianona. On alla chercher les verres sur la table du lunch, on but à la santé du couple. Louise de Banleuse était parmi les plus empressées. Lorsqu'elle eut accompli les rites, Louison se détourna pour dire à son bénévole époux « Très forte, elle les a ramenées toutes les deux. Nous allons voir si elle conduit bien l'attelage. » Louison aurait tenu pour un fief nigo quiconque lui fait le véridique récit qu'on vient de lire. Louison avait beaucoup d'esprit, encore plus d'expérience. L'esprit et l'expérience n'aident pas toujours à voir les choses simples et belles dans leur vérité. Moucheron gesticulait auprès de Tournoel, sa joie était aussi sincère que bruyante. « Vous le voyez bien, capitaine, que tout s'arrange pour tous. Maintenant, un télégramme de remerciement à Pélussin. Vous avez été injuste pour Pélussin. Pour une fois, en vous envoyant ici, il a fait d'admirables besognes. » « Sans le savoir, » dit en riant l'officier. « Mon ami, quand les gouvernants font quelque chose de très bien, c'est presque toujours sans le savoir. Ils tirent au hasard. Derrière eux, sans doute, un pointeur invisible rectifie le tir. Alors, des coups portent. » Émile alla rejoindre Jérôme Cruas et le docteur Revaz qui devisaient sur la passerelle. « Je suis bien content, » leur dit-il. « Mais il faut convenir qu'en arrangeant les choses, la vie dérange singulièrement nos idées. Quand j'ai fait la connaissance de ces deux hommes à Paris, ils n'étaient en besogniers que de grandes affaires financières, politiques. Ils se disputaient un gros morceau du globe. Pas une jupe à l'horizon, rien que le sérieux. 6 mois se passent, je pénètre intimement dans leur vie, et qu'est-ce que j'y vois? Mes deux grands hommes ne sont plus occupés que d'une femme. Toute leur politique pivote sur la jolie tête que voilà, qui les brouille, qui les raccommode, qui est devenue pour eux tout le globe terraqué. « Parbleu, fit Cruas, nous sommes en Égypte. Ici, c'est toujours le nez de Cléopâtre qui change la face de la terre. »« Ici et partout, appuya Revaz. Vous devez le savoir, monsieur l'historien, si vous avez mis vos bonnes lunettes pour lire l'histoire. Nous le savons encore mieux, nous autres médecins qui regardons la vie du côté où elle est vraie, à l'envers. Mon maître Féroze me l'a dit souvent, on peut l'en croire. Sur 100 hommes qui tiennent les grands rôles de la comédie humaine, il y en a 95 qui ne jouent le leur que pour une femme. De loin, on les croit tout occupés de mener le monde. On approche, on entre dans leur privé, on voit vite de quoi ils sont occupés, par qui et par où ils sont menés. Il suffit de peu de mots pour résumer tout le travail de leur vie. Gagner de l'argent, grimper au mat de cocaïne sociale pour satisfaire les besoins et les vanités d'une femme, légitime ou autre. Quand on le leur dit, Ils prennent de grands airs. Ils se rebiffent, haussent les épaules, traitent ces vérités d'invention de roman. Mieux que le romancier, le médecin sait à quoi s'en tenir. Ils ont bien tort d'être si renchéris. La nature leur fait grand honneur en les employant à ses fins comme tous les autres, en leur disant « Mon petit, je me moque pas mal de tes balivernes politiques. Je n'ai, tu le sais, qu'une loi et qu'un but, continuer. Obéis à ma grande loi, continue comme le nègre, sous peine de tomber au-dessous de lui dans le plan de la création. » « Cher docteur, reprit Cruas, vous qui prétendez tout expliquer, il y a une chose que vous n'expliquerez pas. Le choix de cette très charmante femme. Voici le maître de la mer, le plus riche citoyen du globe, un rude homme tout en or fin. Robinson Crusoe, comme dit Moucheron. Est-ce qui vaut mieux un homme remarquable à tous égards? Si j'en crois ce qu'on chuchote autour de nous, il vient de montrer dans toute cette histoire une force, une noblesse de cœur peu commune. Pourquoi diable, la belle dame, lui a-t-elle préféré notre jeune officier qui est très bien, que j'aime beaucoup, mais enfin... « Vous le demandez ?» dit Revaz. « L'officier tue des hommes au grand soleil avec des sabres clairs, des fusils qui font du bruit, et on lui en sait beaucoup de gré. Le financier en tue peut-être autant, mais dans l'ombre, avec des papiers sales, silencieux, et on le lui reproche. C'est une raison, cela, et je vous en fournirais de plus démonstrative si j'avais l'honneur de donner mes soins quelques jours seulement à cette belle dame. Je pourrais alors vous dire... Revaz !» interrompit Moucheron, « ne le dites pas. Laissez de quoi vivre aux poètes, qui vivent difficilement. Il y en a un ici, votre serviteur. Et puis, vous savez, nous n'y coupons plus dans votre emploi scientifique. Vous écrivez de gros livres, vous faites de belles conférences au badaud, dans un charabia qui les tient bouche bée, et tout cela pourquoi? Pour nous dire des secrets de Polichinelle, que nous savions d'instinct avant vous, et que nous disions avec des mots jolis. Nous racontons aux hommes les mêmes vieilles histoires, vous et nous, mais vous les faites vilaines, nous les faisons belles, et quelquefois, quand nous mettons dans le mille, sublimes. » Si les intentions de la nature ne sont pas sublimes, répliqua Revaz, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Croyez-vous qu'elle n'ait pas dépensé plus de génie qu'Homère et Shakespeare pour amener cette femme de l'Argentine, cet officier du Soudan, pour les faire se rencontrer, pour leur insuffler l'idée qu'elle avait depuis le commencement des siècles au sujet d'un troisième personnage, l'éternelle et maternelle nature. « Causez, messieurs, » fit Jérôme Cruas, « tout ce que vous dites l'un et l'autre, je l'ai lu sur des papyrus qui ont 6000 ans. J'ai lu aussi que l'argent a parfois du bon. Je le soutenais, naguère, devant monsieur de Tournoel. Il n'avait pas l'air de le croire. Il me contredirait moins aujourd'hui. Sur ce, je retourne, n'en pas gagné, ce qui a bien aussi son charme. » Il alla prendre congé de Robinson, s'entendit avec lui sur la campagne de fouilles, quitta le bord. « Monsieur, annonça timidement Joey, il y a là monsieur Joseph Yabès qui attend toujours les ordres. »« Yabès ? » fit Robinson. « Ah, je l'avais oublié. Bonsoir, cher monsieur, bonsoir. On ne va plus au Runga, vous l'ai-je dit ? J'ai d'autres projets. Licenciez vos hommes. J'ai décidé de vous confier l'organisation du dépôt de charbon sur mon îlot des Farsan. Vous trouverez toutes les instructions en mon bureau de Port Saïd. Rejoignez au plus vite votre poste. Il faut que la station fonctionne le mois prochain. Bonsoir, cher monsieur. » Yabès salua, tourna les talons. La longue figure ravagée était plus longue d'une aune. Gouverneur des îles Farsan, beau titre, fit derrière lui Moucheron. Mais il n'y mangera pas souvent de la salade. J'ai compté 3 brins d'herbe, pas un de plus, sur la rôtissoire où il va prospérer. Bah, fit le duc de Lovrin, il trouvera moyen d'en tondre davantage, je ne suis pas inquiet sur son compte. On avait donné le signal du départ. Les Américaines quittaient le yacht, à grand bruit d'embrassades, de souhaits, de congratulations à leur couple. Leurs toilettes voyantes s'égrenèrent sur l'eau glauque du port. Les partants restèrent seuls. L'hélice ronfla, s'ébroua dans l'écume comme un jeune cheval impatient de galoper. Le Neptune franchit la passe, gagna la haute mer, laissant tomber derrière lui dans la mer plus haute des sables libyques ce constant et paisible soleil d'Égypte sous lequel de pauvres cœurs venaient de se torturer. Deux de ces cœurs lui envoyaient un hymne de reconnaissance, délivré enfin des contraintes mondaines. Louis et Millicent s'étaient retirés à l'arrière du bateau. Ils regardaient disparaître cette côte plate qui prenait pour eux la figure d'un gradin par où l'on montrait au ciel. « Joey, dit M. Robinson, allons travailler. Il faut libeller le projet de contrat pour cette compagnie que je dois incorporer à l'UST. Les représentants nous attendent à Messine. »« Bouh !» murmura Moucheron. « Je ne voudrais pas être cette compagnie. Gare à elle. En voilà une qui va payer cher le bonheur des autres. » Émile ne touchait plus juste depuis quelque temps, et Joey, assis déjà dans le bureau, courbé sur sa machine à écrire, faillit se laisser choir à la renverse quand il entendit ces paroles inouïes. « Joey, je ne suis pas en train de travailler aujourd'hui. Je me sens un peu souffrant. » M. Robinson ressortit, vint s'asseoir sur la claire-voie du salon, là où il avait écouté de la musique. Il regarda la grande mer, sa chose préférée, l'immense champ de ses convoitises d'où montait toujours dans ses yeux un âpre plaisir, le plaisir du chasseur devant le gibier. Elle était bleue et belle. Il la vit froide et stérile, comme un ciel vide où il n'y aurait plus d'espoir divin. Il en détourna ses regards, les reporta sur les deux amants serrés l'un contre l'autre à l'arrière. Ceux-là ne regardaient personne. Leurs yeux se rencontraient en errant sur la mer. Ils la voyaient lumineuse et féconde. Ils se sentaient pénétrés par les effluves de vie qui montaient des vagues dans leurs veines. Louis dit « Je t'aime. » « Archibald a été très bon. »« Oui, » répondit Millicent. « Nous l'aimerons bien, avec notre reste. »« Si nous allions un peu lui parler, » reprit le jeune homme, « ce serait charitable. »« J'ai tout compris, mais je n'ai plus peur. »« Allons, soyons bons, il le mérite. »« Oui, » fit-elle, « tout à l'heure. »« Parle-moi, à moi, encore un instant, tu m'aimes. » Louis s'est élevé, il se rassit, sous une pression de la chère main. « Tu veux que je reste ? Comme tu es bonne. » Seul Peg vint rejoindre Robinson. « Cher Archibald, c'est bien ce que vous avez fait. Je suis fier. Nous sommes tous fiers de vous. » Il haussa les épaules. « Soyez satisfait, » reprit-elle. « Le maître de la mer a été aujourd'hui quelque chose de plus, son propre maître. Vous vous êtes montré le fort des forts, le puissant, le victorieux. » « Ne vous moquez pas, » dit-il. « Le riche, le puissant, le fort, le victorieux, c'est celui qui sait se faire aimer. Ne regardez plus de leur côté, Archibald. Regardez votre mère que vous aimez tant, qui vous appartient. Comme elle appartient au matelot mort qu'on y jette. Une grande tombe. Vous avez fait du bonheur, c'est si doux, pour d'autres. » Il montra du doigt dans l'ombre qui noyait déjà les choses indistinctes, deux têtes qui se rapprochaient. S'unissaient dans un baiser. Ils font de la vie. Vous avez fait, vous ferez pour nous ce dont notre grand jeune peuple a besoin, de la noblesse, de la grandeur. C'est un dur métier, dit-il. Les apprentis y souffrent beaucoup. Il se releva. Peg vit le jeu du ressort d'acier, ce mouvement caractéristique d'une remise en train de la puissante machine. Joey, appela M. Robinson. « Joey, c'est passé ce bobo, ce n'était rien. Retournons travailler. » Ainsi s'achève le maître de la mer, d'Eugène Melchior de Voguet.